Allez, les premières années, tous sur le pont. J'aimerais bien savoir où sont passés tous les autres étudiants. Ils ont pas disparu comme ça, par magie. Ah, mon frère Will m'a parlé que le premier jour, il y avait un spectacle des deuxièmes années pour faire flipper les nouveaux. C'est vrai, je l'ai lu dans l'histoire des Jobar. En 1989, ça a tellement mal tourné que le robot géant qu'ils avaient créé a détruit le village de préhistoire qui ne se trouve pas loin de Jobar. D'ailleurs, vous savez pourquoi on l'appelle comme ça? Non, et on s'en contrefout. Mais il y a tout plein d'explications en ce qui concerne ce nom. Je n'en doute pas. Mais voilà des types bizarres qui se ramènent. Bande de moules! Il paraît que Hashipawa est élève à Jobar cette année! Ah bah non, qui c'est qui a éteint la musique? What's up, man? Bon, bref, je me présente. Mon nom, c'est Malfé. Dracho Malfé. Moi, c'est Thomas. Sourdine Thomas. Mon nom te fait rire? Inutile de... Mon nom fait rire? Inutile de demander le tien, hein. Un rouquin, une robe de seconde main. Toi, man, t'es un Weasley. Hey, c'est ma réplique, ça, normalement. Désolé, moi, c'est Wanted. Par contre, c'est vrai que vous avez tous les deux des noms de merde. Ah, sorry, man. Y'a pas erreur, y'a erreur. On a pu parler un peu, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Ah, c'est rien. Ça va? Je peux parler, là? Bon, je sais plus où j'en étais. Pas grave. Dis-moi, comment ça se fait que tes bras touchent le sol? Ah, ça? Bah, en fait, mon père, qui est soit dit en passant un otaku très connu, m'a fait subir un genre d'écartèlement depuis que je suis tout petit pour que je puisse étendre mon bras comme Luffy dans le manga One Piece. On dirait bien que ça a plus ou moins marché. Et c'est qui les deux balèzes derrière toi? À gauche, c'est Sushi. Et lui, c'est Sashimi. Et pourquoi celui-là, il mord une manette de Wii? Le perso préféré de son père à lui, c'est Zoro. Et il s'entraîne sur sa console. Nye. Je t'expliquerai, Hachi. C'est vrai que la culture nippone n'est pas au top. Bon, ça te dit de venir dans ma bande, Pawa? Je veux bien, si c'est moi le boss. Tu joues au plus malin, c'est ça? Bon. I'll be back. Cette année risque d'être mouvementée. Hey, Milton, pourquoi tu te tortilles comme ça? C'est bizarre. J'ai l'impression que ma poitrine a augmenté depuis le dernier épisode. Normal, c'est pour l'audience. En plus, si la saga marche, t'auras peut-être des jolies fanarts. Mais j'ai que 11 ans, moi! Chacun grandit à son rythme. En tout cas, ça me dérange pas. Tant que ça passe pas à du yaoi. Tiens, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai une montée d'hormones qui me titille au bout du... Yo, les tapettes de otak, quelles sont les femmes? Hello, lucky girls. You know what? Ma double personnalité Rookin s'est enfin inclinée face au méga playboy. Mon petit nom à moi, c'est Nao. Et surtout toi, my lucky item. Prépare-toi parce que je vais bientôt te défoncer le cœur. Bon, on revient à l'épisode, là, s'il vous plaît. Tiens, voilà, c'est Neil. Alors, tu as retrouvé ton MP3? Non, je pense que c'est un deuxième année qui me l'a volé. Mais c'est terrible! Bah, pas tellement, en fait. Je vois pas en quoi ça nous concerne. Mais Hachi, voyons! Montre un peu de compassion pour lui! Non! Ouais! Enfin, je veux dire que Hachi a raison quand il dit non. Mais bouclez-la, bon dieu, ça va pas commencer. Je vous préviens, vous attendez pas la 7ème année pour sortir ensemble, hein. Je sens que je vais pas pouvoir supporter ça très longtemps. Oh ouais, regardez les amis, le spectacle de 2ème année commence. Oh ouais, c'est cool. Oh. On sera tes amis que si tu nous payes. Génial. Vous savez qui je suis? Un officier de la marine rattaché au quartier général. On m'appelle Full Body Main d'Acier. J'aimerais savoir à qui j'ai affaire. Qui est le capitaine du navire? C'est moi. Fucking bitch. Ah, le bordage, guys. Le bordage, je suis mort, man. La ferme, toi. Regardez, ils ont sorti des canons. Vous croyez qu'ils vont nous bombarder? Mais non, c'est juste du spectacle. Ça va sûrement être des petites fusées ou des confettis. Est-ce que tu peux être crédule? Mais vous êtes pas tarés, mon dieu. Vous avez bousillé le troisième pont. Ça va vous faire un mois de retenue, ça, mes gaillards. Et j'enlève 150 points à Silverhawks. Silverhawks? Il s'agit d'une des quatre maisons dans laquelle nous pouvons être répartis. Leur nom vient des mangas des années 80. Il y a Silverhawk et puis... Stop, tu veux nous gâcher la surprise? Ah, je te jure, les intellos de nos jours. Ah, nous voilà arrivés à destination. Veuillez dégager le pont inférieur, une nacelle va venir du ciel pour s'y accrocher. Pourquoi cela ne m'étonne même plus? Mais quand même, c'est marrant, le voyage en bateau a été plus long que celui pour aller au Japon. Bien visé, les gars. Pourtant, on y voit goutte dans ce brouillard. Je vous envoie les premières années. Dites, Harid, quand vous employez le terme « envoyer », vous essayez de nous faire comprendre quoi? Moi, je sais! À peine quelques minutes que je la connais, j'ai déjà envie de tester la transmutation humaine. Selon l'histoire de Jobar, le château aurait été construit il y a plus de 20 000 ans, et les légendaires otaku qui l'ont bâti auraient placé une pierre de lévitation géante à l'intérieur. Depuis ce jour, Jobar flotte à plus de 10 000 mètres d'altitude. Excellent! 10 points à... tu es de quelle maison, déjà? Je sais pas, j'ai pas encore été réparti. Bon, ben on verra ça plus tard. Allez, le premier année, tout le monde dans l'ascenseur ultra rapide. Ça va être bon, je vais vous les envoyer. je le sens mal, cette histoire encore. De quoi tu parles, Hachi ? Par déduction, nos bagages sont restés sur le pont et cette histoire sent mauvais à des kilomètres. Restons prudents et près de la porte. Vaut mieux qu'on rentre en dernier. D'accord. Oh putain, je vous ai pas dit que j'étais claustro. C'est parti, envoyez la purée, les gars. Et bienvenue à Jobar. Je crois que je vais gerber. Moi aussi. Sortez tous. Oh la vache, c'était quoi ce truc? Ils sont complètement barjots. Laisse-moi te dire que ça fait pas que des petites guillis au ventre. Oh là là. Regardez, c'est le château. Wouah, ils ont recréé à l'identique le sanctuaire des chevaliers d'or dans Saint Seiya. Là, j'avoue, ça déchire. Ils ont bâti ça sur une montagne. Alors, ça vous plaît, les enfants? Ah oui, vous êtes déjà montés? Ah ok, je vois l'entourloupe. La falaise, en fait, elle fait 10 mètres de haut, c'est ça, hein? Et vous avez mis un monte charge type maison fantôme Disneyland pour nous amener ici. Perspicace, le petit. En effet, tu as tout compris. Je viens de prendre l'échelle pour monter et le yacht est juste en dessous. Ne vous inquiétez pas pour vos affaires, on vous les montrera dans vos chambres. Allez-vous tous à la grande salle. C'est au bout de cette plaine avec marqué dessus « Chevalier du Bélier ». Et alors là, je leur dis sur un ton sec. Saloperie de mastodonte marin, le premier d'entre vous qui ose toucher un seul cheveu de mes amis, je lui pète l'écrou. Bonjour les enfants, veuillez attendre ici quelques minutes. La grande porte s'ouvrira et vous serez alors répartis dans une des quatre maisons qui seront pour vous comme une deuxième famille. Bande de quiches. Ah, oh, bah non, qui c'est qui a encore éteint la musique? Bon, bref, où qu'il est le Hashipawa? Qui me parle? Ah, trash au mal fait! Bon, tu as réfléchi pour ma proposition? Je t'ai répondu, t'es devenu sénile ou quoi? Qui me parle? La ferme, toi. Hashi! Trasho! Pas ta peau. Regardez, la porte s'ouvre! Bonjour chers élèves, nous sommes aujourd'hui réunis pour vous souhaiter la bienvenue à Jobar, l'école des otaku. Avant de procéder à la répartition, je vais vous dire quelques mots qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui font fun. Elfen Lied, Grand Line, Super Sentai, Goldorak Go. Vous n'êtes pas sans savoir que je risque de décéder avant la fin de la décennie. C'est pourquoi je profite de mes derniers instants pour vous lire mon testament. À mon frère Javel Fort, je lègue ma collection Yu-Gi-Oh! Avec la carte collector du Mokona blanc aux yeux bleus. À mon ami Tortue Génial, je lègue ma figurine Missa Missa 40 cm. Et enfin, à mon fidèle toutou en prison, Sirius Blackjack, je lègue mon roux doudou en peluche. Soit dit en passant, c'est ton parrain, Hachi, mais un conseil ne t'attache pas trop. Ouais, c'est noté. Je vais maintenant laisser se présenter le corps enseignant. Je suis le professeur Madame Ingall, cyborg déclaré et professeur de cosplay. Je suis Madame Epap, et vous cultiverez en ma compagnie l'art noble des jeux vidéo. Je m'appelle Professeur Kigel. Ah, avec moi, vous apprendrez la censure contre les mangas hentai. Ah, mais c'est quoi cette douleur dans ma tête? Ça va pas, Hachi? Je suis Snap, professeur d'anime. Il n'y aura pas de bavardage dans ce cours. Aussi, je m'attends à ce que... Professeur, ce n'est pas votre leçon, là. C'est juste une présentation. Ah, autant pour moi. Professeur Gastrique, j'enseigne les mangas. Merci, d'autres ne sont pas présents, mais pour résumer, le professeur Cumulus Arid vous enseignera la robotique et la construction de mechas. Le professeur Vodkalise pour la J-pop, Madame Bidoche pour le sport, et deux ou trois autres pour les maths, le français, l'histoire géo. D'autre part, le concierge, Monsieur Ruzard Gay, voudrait vous dire quelques mots. C'est Kaino Tomodachi. Ruzard Gay desu. Mes petits amis, je vous rappelle qu'il est interdit de pénétrer dans le temple du grand Pop. Sinon, je vous préviens, je vous fouetterai très très fort, ok? Merci. Maintenant, nous allons effectuer la traditionnelle répartition. Je vais vous appeler et vous allez mettre ce casque de Megaman sur la tête. Selon la couleur qu'il prendra, vous serez répartis. La maison rouge sera celle des Albator, les bleus Silverhawk, les verts Cobra et les jaunes Bisounours. Sans les manches. Silverhawk. Hamilton John. Albator. Yata. Racho Malfée. Cobra. Yeah. Et puis... Encore un Tid. Voilà. One Tid. Albator. Justin Bridou. Bisounours. Hachipawa. Albator. Bon, très bien. Tout le monde est réparti à présent. Maintenant, je n'ai qu'une chose à dire. À la bouffe. Pas trop tôt. Un tapis roulant comme dans les restos. Wow, vous avez vu tout ça? C'est pas comme quand j'étais à la mine, hein. Des sushis, des makis, des yakitori et autres takoyaki, miam. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est du thon géant des mers du sud. J'ai entendu tout à l'heure que le cuisinier l'avait attrapé à la canne à pêche. Non, sérieux, arrête d'être aussi crédule, là. Hé, hey, Hachi, ça te dit de t'inscrire au Genshiken? Quoi? C'est le club d'études de la culture visuelle moderne. Ouais, peut-être plus tard. Votre attention, s'il vous plaît, les premières années. Je m'appelle Wersitid et je serai le senpai des Albator cette année. Je ferai plus ou moins la surveillance du dortoir. Je vais vous y amener maintenant. Il s'agit du temple du chevalier du Capricorne. Vos affaires y sont déjà montées. Hachi, qu'est-ce que tu fais? Il est super tard. Ah ouais, j'ai pas vu le temps passer. J'ai déballé mon cadeau d'ami et je viens de me connecter au net. Cet Arid, il m'a envoyé des sites intéressants. Des sites intéressants? Fais voir ça!